Naquette sur la plage, nu comme un péché. La mer me crache, le sable brûlé. Un ciel de fer. Un monde de flammes. Rusmavan. Mais je garde mon âme. J'ai vu les tours, les lumières lointaines, voilerie qui fume, promesse de chêne, un arc de bois, une pierre en main, mais le vieux Far West vit dans mon sang ancien. Chaque pas résonne, mes bottes sur la pierre, un cowboy perdu, mais toujours légendaire. Montez ta cabane, surveille les murs, forge tes armes, le danger est sûr. Deux voix fatiguées comme de fantômes, dans Rust on survit ou bien on se vautre. J'entends les fusils, j'entends les chiens, je sors mon couteau. Je mords le destin. Dans la poussière, je marche armé. Cowboy perdu, mais jamais brisé. Vos portes sautent, vos coffres saignent. Riders qui frappent et vos clans s'éteignent. Les tunnels sombres, les pas qui traînent. Les lampes vacillent, la peur est pleine. J'entends vos voix. J'entends vos cris, un tir de plus et tout s'affaiblit. Les chevaux de fer, les rails d'acier sont mes canons d'hier au futur rouillé. Charge la C4, fais trembler la pierre. Allume le feu, laisse hurler l'enfer. Vos bases tombent, vos rêves se fendent. Un cowboy règne, vos âmes se rendent. Je crache la rouille, je bois la pluie, Rus m'appartient et je vous maudis. Dans la poussière, je marche armé, cowboy perdu, mais jamais brisé. Vos portes sautent, vos coffres saignent, Riders qu'il frappe et vos clans s'éteignent. Le soleil coule rouge sur les collines, les morts s'empilent, la nuit s'incline. Chaque base brûle comme une ville sans foi. Riders qu'il seul étouffle sous sa loi. Vos cris résonnent dans mes souvenirs, vos clans s'effacent, vos chants se déchirent. Cowboy de rouille, prophète de sable, j'écris vos tombes dans un vers implacable. Dans la poussière, je marche armé, cowboy perdu,